إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui, on commence le cours numéro 10 dans l'explication du livre du Cheikh Ahmed al-Najmi, Rahimahullah, Ar-Radd al-Shar'i al-Ma'qul, ala al-Muttasil al-Majhul. Et on arrive maintenant à un point où le Cheikh répond à qu'est-ce que Mustafa al-Siba'i a prétendu dans son explication, yani quand il a commencé à parler de la constitution et du fait que dans un pays musulman où il y a la constitution où la constitution stipule que la religion de l'État c'est l'islam, il disait que les chrétiens et les non-musulmans, les autres groupes religieux peuvent avoir la liberté absolue puis ne pas être limités dans leur statut personnel, ainsi de suite. Puis il explique maintenant les réponses à propos de ce point-là. Le Cheikh il dit أقول إن قول الدكتور هل النصرانية المحرفة دين سماوي, parce que dans son exposé il disait que Mustafa Sibar il disait nous respectons les religions célestes, le christianisme ainsi de suite comme étant une religion céleste, comme étant une religion une religion divine qui vient de Dieu. Donc le cheikh il répond maintenant en posant le chapitre c'est où ce point là ça s'appelle al nasraniyatu dinun samawi al muharrafa dinun samawi. Est-ce que la religion chrétienne qui a été déformée aujourd'hui, qui existe présentement, est-ce que c'est une religion céleste dans la forme dans laquelle elle existe aujourd'hui? Le cheikh il dit wa aqul inna qawla ad-doktor inna al-islam yahtarimu al-masihiyya kadinin samawi ويترك لأهلها حرية العقيدة والعبادة أولا قول الدكتور قول الدكتور هذا يقتضي أن الإسلام أقر النصرانية المحرفة على ما هي عليه ولم يتعرض لها بنقد ولا تجريح وهذا الزعم زعم باطل نشأ عن جهل أو مغالطة فالله تعالى قد ذم النصرانية ذاما بليغا في آيات متعددة من كتابه انظر مثلا إلى الآية الرابعة عشر من سورة المائدة وهي قول الله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون إلى قوله ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير الآية السابعة عشر وقوله في آخر سورة النساء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إلى غير ذلك من الآيات المصرحة بكفرهم وبالإنكار عليهم. Donc le cheikh ici, il explique, il commence à réfuter les paroles de Mustafa al-Siba'i et il explique que le christianisme tel qu'il existe aujourd'hui dans sa forme qui est corrompue et déformée, elle ne fait pas partie des religions célestes, hein, qui doivent être respectées de cette façon-là. Donc il dit la parole de Mustafa al-Siba'i, il dit que sa parole, quand il dit que l'islam respecte le christianisme comme une religion céleste et qu'il laisse à ses fidèles la liberté de croyance et d'adoration, premièrement à ce sujet-là, il faut savoir que cette parole implique que l'islam a confirmé ou accepté le christianisme tel qu'il est aujourd'hui dans sa falsification. Et ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que l'islam accepte le mensonge et respecte le mensonge et la fausseté. Et qu'on accepte le christianisme sans avoir aucune critique envers eux. Et cette idée-là, elle est totalement fausse. Et elle vient soit d'une ignorance, de l'ignorance de la personne qu'il dit, ou bien d'une erreur. La personne fait exprès ou bien elle fait une erreur en disant ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a blâmé, dans plusieurs versets, dans le Coran, on trouve qu'il blâme les chrétiens. D'un blâme, vraiment fort et vraiment sévère. Dans plusieurs versets de son livre. Et regardez, par exemple, le verset 14 dans Surat Al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: et de ceux qui disent nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. Et le cheikh, il continue par la suite en citant la suite des versets qui viennent juste après, qui mentionnent aussi beaucoup d'informations au sujet des chrétiens. Comme par exemple, aux gens du livre, notre messager vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre, et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Parmi ceux-ci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce, et il les guide vers un chemin droit. Certes, sont mécréants ceux qui disent « Allah, c'est le Messie, fils de Marie ». Dis, qui donc détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher, s'il voulait, de faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre? À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui s'y trouve, qui se trouve entre les cieux et la terre. Et il crée ce qu'il veut, et Allah est omniscient. Donc, le cheikh, il mentionne ces versets-là, c'est pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait une critique sévère des chrétiens dans le Coran. Et de négliger ça, et de mentionner ou de dire que l'islam respecte la religion chrétienne comme étant une religion céleste, ainsi de suite, sans mentionner les critiques qui existent dans la révélation à leur sujet, et sans expliquer que la religion qu'ils suivent aujourd'hui n'est plus la religion que Isa ibn Maryam leur a enseignée auparavant. Donc ça, c'est la preuve, qu'il y a une malhonnêteté dans la présentation et dans l'explication, ou bien qu'il y a une erreur de compréhension de la part de ces personnes-là. Ensuite, le cheikh, il mentionne le verset 171 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: « Ô gens du livre, et en particulier les chrétiens ici, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites pas d'Allah que la vérité. Hein, et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Ne dites pas trois, hein, comme les chrétiens qui disent trois en un. Cessez. Allah, il donne l'ordre aux chrétiens de cesser de continuer à dire que Dieu est trois en un et de croire en la Trinité. Il dit, ce serait meilleur pour vous. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Jamais le Messie, hein, le Cheikh n'a pas mentionné ça, mais ça c'est la suite, jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indigne de l'adorer et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Donc ça c'est des versets qui sont clairs dans la critique du christianisme et de mentionner le fait qu'ils sont koufars et de mentionner yani les choses qui sont à mentionner contre eux dans leurs croyances et dans leurs pratiques religieuses. Les choses qui sont contraires à la vérité. Ensuite le cheikh il dit ثانيا من قال أن النصرانية المطبقة الآن سائدة السائدة عند النصارى دين سماوي محترم فقد كذب وافترى على الله وعلى الإسلام وكفر بهذه الآيات التي بين الله فيها كفرهم وبطلان ما هم عليه من التثليث وتأليه عيسى وأمه مع الله سبحانه وتعالى. Deuxième point, le cheikh il dit, celui qui dit que le christianisme qui est appliqué aujourd'hui et qui est présent en majorité dans le monde chrétien est une religion céleste respectée, alors il a menti et il a inventé un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala et contre l'islam. Et il a mécru en les versets qu'on a mentionnés dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré leur mécréance et la fausseté de ceux qu'ils suivent. Hein, comme par exemple la Trinité et la déification de Isa et de sa mère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il l'incorpore avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la divinité. Donc on trouve ça souvent ici, il y en a un peu partout maintenant des gens qui vont faire des dialogues avec les chrétiens qui leur disent qu'ils acceptent les chrétiens comme étant une religion céleste et qu'ils respectent leurs croyances, ainsi de suite. Et ça, bien entendu, c'est un mensonge, comme le cheikh il le dit. Et après le cheikh il dit, ثالثاً لو فرض أن دين اليهودية والنصرانية كانت قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أديانا صحيحة ثم نزلت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فنسختها لم تكن بعد ذلك صحيحة ولا محترمة قد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين أتى إليه بورقة من التوراة ليقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والله لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. Donc le cheikh il dit que supposons, disons que le christianisme, le judaïsme et le christianisme étaient avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des religions correctes, puis que la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venue pour les abroger. Et bien du moment que la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venue pour abroger ces religions-là, elles ne sont plus respectées, elles ne sont plus acceptables et correctes aujourd'hui, à partir de ce moment-là. Et donc, ça s'est prouvé également par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Lorsque Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des pages de la Torah pour lui lire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère et s'est fâché contre Omar et il lui a dit, oh Omar, par Allah, je jure par Allah que si Moïse, fils de Imran, était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. Donc ça, c'est pour faire comprendre en réalité que même si la religion des chrétiens était, ou la Bible, ou la religion telle qu'elle existe aujourd'hui, hein, même si, bien entendu, le message a été déformé, mais même si la religion des chrétiens aurait été restée intacte, telle que Isa l'avait amenée à l'époque, et même si la religion des juifs et de Moïse était restée intacte, telle que Moïse l'avait amenée jusqu'à aujourd'hui, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas d'autre choix que de suivre la révélation qui est descendue sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est le dernier des messagers d'Allah. Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, donc le cheikh il dit, « Ma allazi yalzimu ala hurriyati al-aqida wa al-ibada » Donc qu'est-ce que ça implique quand on dit qu'il y a une liberté de religion et d'adoration ou de pratique religieuse. Rabi'an, qawluhu wa yutraku li ahliha hurriyat al-aqidata wa al-aqida. On laisse aux chrétiens la liberté de croyance et d'adoration. Le cheikh il dit, aqul, hadhihi al-ibara fiha tajawuzun kabir. En particulier, il y a tous ces sujets-là pour quelqu'un qui a quitté le christianisme, qui a grandi dans le christianisme, qui a connu le christianisme et qui a vécu dans cette ignorance et dans cet égarement-là et qui a grandi là-dedans. C'est clair lorsqu'on entend ces choses-là. Mais lorsque quelqu'un est grandi dans un contexte musulman et qu'il a entendu tout le temps les gens répéter toujours des mensonges comme par exemple les chrétiens, il faut respecter la religion des chrétiens, l'islam respecte toutes les religions, et ainsi de suite. Quand quelqu'un a grandi dans ces idées-là, et qu'on lui répète toujours, oui, l'islam respecte toutes les religions et tout, eh bien, des fois, d'entendre des paroles comme ça, c'est un peu surprenant, les gens, parfois, ça les surprend, ça les choque. Alors que c'est clair, hein, c'est la vérité pure et absolue. Il n'y a personne qui peut remettre ça en question. Hein? Parce que même un chrétien, là, s'il est sincère, si tu lui expliques tout ça, il ne peut pas nier ça. Hein? Donc le cheikh, il dit, qu'est-ce que ça implique quand tu dis que les chrétiens ont une liberté absolue dans leur pratique religieuse et dans leur croyance? Et le cheikh, il clarifie ce point-là. Il dit, Rabi'an, il dit, Aqul, هذه العبارة فيها تجاوز كبير. إذ ليس المراد من حرية العقيدة إلا أنه حر فيما يريد أن يعتقد من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو وثنية أو إلحاد أو غير ذلك وطليق فيما يشاء منها يأخذ ما يريد ويترك ما يريد فلا لوم عليه ولا تعنيف ولا يجوز أن ينكر عليه أحد ولا يجوز أن ينكر عليه أحد أو يقول له أنت أخطأت فضلا أن يحكم عليه بحد أو تعزير كما هو مقتضى هذه العبارة أما هل قائل هذا القول بنى قوله على الدليل الصحيح الصريح أم أنه بناه على مجرد الهوى أو التقليد للغير Donc le cheikh il dit, premièrement, cette parole que Mustafa al-Siba'i répète, ainsi que plusieurs d'entre les ikhwan, qu'est-ce qu'ils veulent dire lorsqu'ils parlent de cette liberté de croyance? Il y a un dépassement énorme dans cette expression-là, parce que lorsque quelqu'un dit qu'il y a une liberté de croyance, qu'est-ce que ça signifie? Ou qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que quelqu'un est libre dans sa croyance, dans qu'est-ce qu'il veut croire. Il peut croire en qu'est-ce qu'il veut, soit au judaïsme, ou au christianisme, ou à la religion des Majus, ou bien en al-Wathaniya, c'est-à-dire le paganisme, soit le paganisme comme par exemple les animistes, ou bien les gens qui adorent les idoles ou autres. bien ilhad, c'est-à-dire de rejeter l'existence de Dieu ou de rejeter les attributs de Dieu ou les noms de Dieu, ou ghayr dhalik. Et donc, ça voudrait dire qu'il est libre. Il fait ce qu'il veut dans ce qui a rapport avec la religion et la croyance. Il prend ce qu'il aime et ce qu'il veut, et il laisse ce qu'il veut pas. Et il n'y a aucun blâme sur lui, et aucune parole dure contre lui. Et on n'a pas le droit de le critiquer ou de le réprimander, hein, sur ce qu'il croit et ce qu'il fait. Et on n'a pas le droit non plus de lui dire tu as tort. Donc ça, c'est les gens d'aujourd'hui, hein, subhanallah. Souvent, c'est ce qu'ils disent. Quand ils disent, par exemple, tout le monde est libre de croire en ce qu'il veut, ainsi de suite, eh bien, non seulement ils prétendent, quand ils disent ça, que tout le monde peut croire en n'importe quelle religion, mais non seulement ça, ils veulent interdire aux gens, ils veulent interdire qu'on les critique, yani, et qu'on dise au sujet de leurs croyances qu'elles sont fausses. Donc, si un musulman aujourd'hui, dit à propos des chrétiens, ou à propos des juifs, ou à propos des athées, ou à propos des idolâtres, des gens qui adorent autre que Allah, ou des animistes, que leur religion est fausse, et que ce sont des gens égarés, et que ceux qui sont sur le shirk et le kufr, ils vont aller en enfer. Si tu dis ça, tout de suite, ces gens-là, ils vont expliquer ou comprendre par ça que tu ne respectes pas les autres religions, tu n'as pas de respect pour la liberté religieuse des gens. Donc ça voudrait dire que on n'a pas le droit de les critiquer non plus. Et ça, c'est incroyable, parce que si tu regardes en réalité maintenant qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les laïcs, ils sont en train justement de se battre pour faire valoir leur droit d'insulter l'islam et de critiquer l'islam. Ils ne font pas de distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est-à-dire le fait que l'islam soit la religion de vérité, pour eux, c'est un détail puisqu'ils n'y croient pas. Donc ils se croient libres de pouvoir l'insulter de la même façon qu'ils pourraient insulter n'importe quelle chose. Eh bien, nous de notre côté, on dit non. Si on doit critiquer, c'est pas pour insulter, mais c'est pour clarifier la vérité aux gens. C'est pour leur faire savoir qu'est-ce qui est vrai. Parce que tout ce que quelqu'un prétend comme information, ça doit être vérifiable. Et si on peut le vérifier, on peut savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Et une fois qu'on a compris que c'est faux, eh bien, on a le droit de le dire aux gens et de clarifier cette fausseté-là. Hein, comme de réfuter les chrétiens et de leur dire que Jésus, c'est pas Dieu, que c'est pas le Fils de Dieu, que la Trinité, c'est faux, que c'est un mensonge, hein, que ça n'a rien à voir avec les enseignements des prophètes. Si tu leur dis ça, bien sûr que pour eux c'est une critique. Bien sûr que pour eux c'est quelque chose qui est insultant. Mais c'est la vérité. Et nous on critique ça, c'est pour en fait leur montrer l'erreur qu'ils ont fait dans ces sujets-là pour qu'ils puissent revenir à ce qui est la religion de Jésus et la religion de Moïse et la religion d'Abraham et de tous les messagers d'Allah. Donc c'est ça le but qui est derrière. Et non pas le but d'insulter, contrairement aux laïcs et aux gens qui rejettent la foi, ceux-là qui veulent juste critiquer dans le but d'insulter et de ridiculiser, et non pas de montrer aux gens quelque chose de bon pour eux. Donc, il voudrait dire par la liberté religieuse, comme on disait, que tu n'as pas le droit de les critiquer, tu n'as pas le droit de dire qu'ils sont dans l'erreur ou dans l'égarement. Ou qu'ils sont des mécréens, c'est ça ce qu'ils disent aujourd'hui. Dis pas que les juifs et les chrétiens sont des koufars, ou bien les autres religions. Et encore moins de pouvoir établir sur eux une peine quelconque ou une punition quelconque du fait qu'ils suivent un égarement ou une fausse religion ou une fausse croyance. Et ça, c'est ce qui implique la parole de Mustafa al-Sibari à ce sujet-là. أما هل قائل هذا القول بن أجي؟ mais maintenant qu'on a compris qu'est-ce que ça implique, est-ce que la personne qui a dit cette parole-là, est-ce que Mustafa al-Sibari, quand il a dit ça, il s'est basé sur une preuve vraie et claire dans le Coran ou dans la Sunna, ou bien il a uniquement basé son opinion ou sa parole sur les passions et le fait de suivre les gens aveuglément et de répéter ce que les gens disent. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans ce qui va suivre. Donc c'est ça ce qui se passe. Quand tu les entends, par exemple, ils font des rencontres et des réunions officielles dans le monde et ils disent, par exemple, oui, nous respectons le christianisme et la religion chrétienne est respectée par l'islam, c'est une religion céleste, ainsi de suite. Tout ça, bien entendu, c'est pas supporté par aucune preuve du Coran et de la Sunna. Et donc, bien entendu, devant les koufars, ils veulent avoir une belle image en disant ça. Et tout ce qui les inquiète en réalité, c'est cette question d'image. À savoir que, ils sont acceptés des chrétiens et aimés par les chrétiens et que les chrétiens les acceptent et les excluent pas, dans leur dialogue, et ainsi de suite. Ils se sentent importants, quand ils font partie de ces réunions-là ou de ces dialogues-là ou de ces rencontres-là. Alors qu'en réalité, ils ne sont en train de faire rien de bon, ni pour l'islam, ni pour les musulmans, puisqu'ils cachent la vérité. Ils cachent la vérité aux musulmans et aux non-musulmans. Ils les trompent, malheureusement. Le cheikh il dit, « Khamisan, Amar Allahu Azza wa Jal, Khaliq al-Kawn, Mubari al-Nasam, الذي بيده الخلق والأمر تبارك اسمه وعز سلطانه وتعالت صفاته أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ذليلون. قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال القرطبي في تفسيره عن يد قال ابن عباس يدفعها بنفسه غير مستنيب فيها أحدا. وروى أبو البختري عن سلمان قال مذمومين. وروى محمد ابن قتادة عن قهر وقال في صفحة 113 إذا أدى أهل الجزية جزيتهم خلي بينهم وبين أموالهم كلها وبين كرومهم وعصرهم وما ستروا خمورهم ولم يعلنوا بيعها من مسلم ومنعوا إظهار الخمر والخنزير فإن أظهروا شيئا من ذلك أريقت الخمر عليهم وأدب من أظهر الخنزير. قلت فدل ذلك على أنهم ليسوا أحرارا. Donc le chef il dit, regardez premièrement, ça c'est le verset numéro 5, et quand vous allez entendre ces explications là, réfléchissez bien le point suivant. Les Ikhwan, lorsqu'ils présentent, par exemple, les aspects de l'islam, ils cachent souvent d'autres aspects. Donc, ils disent des choses, puis ils en cachent d'autres. Et ils prétendent des choses contraires à l'islam. Et qu'est-ce qui arrive comme suite à ça, comme conséquence à ça? C'est que, par la suite, ils rentrent dans des contradictions. Et il y a souvent des chrétiens justement qui connaissent le Coran, qui ont lu le Coran, qui ont lu les hadiths, qui connaissent la Sunna et qui savent que ces gens-là mentent et qu'ils cachent des choses. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que dernièrement, je suis tombé sur un texte dans l'internet et dans ce texte-là, c'était comme un texte écrit par un kafir pour essayer de dire comment débattre avec un musulman au sujet de l'islam. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, lorsque vous voyez des musulmans, par exemple, qui vont vous dire l'islam est la religion de la paix, l'islam est la religion de ci et de ça, là, vous lui montrez le Coran, tous les versets qui parlent du djihad, tous les versets qui parlent de ci et de ça, et là, il ne pourra pas dire rien d'autre. Yani, par la suite, il pourra pas dire ah mais non, ça c'est pas vrai ou si ça, parce que c'est écrit dans le Coran. Donc il dit souvent, là ils vont vous répondre avec par d'autres versets qui disent par exemple que il faut faire preuve de patience et d'endurance et de gentillesse, ainsi de suite. Et puis là, ils vont vous dire, par exemple, « Ah, vous ne pouvez pas comprendre le Coran parce que c'est en arabe. Hein? » Et des trucs de ce genre. Et donc, ils essaient de montrer, en fait, les ruses des Ikhwan et des gens de ces tendances-là, les soufis et les autres, qui essaient de dire que l'islam, c'est une religion de paix, comme le christianisme et des choses de ce genre, et qu'il n'y a aucun aspect de force et de djihad ou des choses comme ça dans la religion musulmane. Et donc, en faisant ça, bien entendu, il déforme la réalité. Et il, au lieu d'expliquer les choses comme il faut, ils essaient de la cacher, de déformer la réalité. Et ça induit beaucoup de gens en erreur. Et ça fait paraître les musulmans très mal, surtout lorsque on parle avec des gens qui savent quand même beaucoup de choses sur la religion musulmane. Et on essaie de les tromper de cette façon-là. De même qu'il y en a parmi les gens qui se sont convertis à l'islam avec ces gens-là, comme j'ai expliqué plusieurs fois, qui au début, on leur avait raconté toutes sortes de choses incorrectes sur l'islam, et qui plus tard, par la suite, quand ils ont découvert la réalité, en lisant des choses qui ont été écrites en critique par les critiques, les gens qui critiquent l'islam, et ainsi de suite, ils ont commencé à voir qu'il y avait des choses réellement qui leur avaient été cachées, et ils ont cru que à cause de ça c'était la faute de l'islam ou des musulmans, alors qu'en réalité c'est la faute des Ikhwan et des gens qui suivent ces tendances là et non pas la faute des musulmans. Donc la façon dont nous on comprend le Coran, bien entendu, c'est selon la méthode des ulama de l'islam depuis l'époque des salaf salih. Il n'y a pas de contradiction entre les textes et entre les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf qu'il y a des versets qui sont clarifiés par d'autres. Hein? Il y a des versets qui sont expliqués d'une façon plus générale, et dans un autre verset, il y a des détails qui sont clarifiés pour nous expliquer comment appliquer les autres versets. Donc il n'y a pas de contradiction en réalité, c'est juste que certains versets sont plus généraux et d'autres sont plus spécifiques. Et il faut retourner justement aux ulama pour nous montrer et pour nous expliquer comment on applique et comment on comprend ces versets-là. Et c'est un des moyens pour faire ça, bien entendu, c'est de retourner au tafsir des ulama de l'islam. Hein, surtout pour réfuter les chrétiens quand ils nous attaquent avec les versets qui parlent de l'épée et du djihad, hein, et qui essaient de prétendre que qu'est-ce que Ben Laden est en train de faire, ça fait partie de l'islam. Comme les Khawarij, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ces gens-là, eux, ils disent, bon, le fait que vous avez des versets comme ça, ça c'est la preuve, hein, que ça c'est la preuve que qu'est-ce que Ben Laden fait et les terroristes font, ça c'est la preuve que c'est vrai qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils font, et que c'est eux qui suivent la vraie explication de l'islam. Hein. Et bien entendu, c'est pas ça du tout que ça veut dire. C'est juste que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des versets hors de leur contexte et ils ne les prennent pas non plus en relation avec les autres règles et les autres versets de la charia. Ils les prennent tout seuls sans prendre les autres en considération. Et les autres, les Ikhwan, ils font l'autre extrême, l'autre erreur, c'est d'oublier et de nier les autres versets qui appliquent ou qui expliquent les règles du djihad. Et c'est ça la contradiction qui est amenée par ces gens-là. Donc, on va lire l'explication maintenant. Donc, voici maintenant l'explication du cheikh au point numéro 5, à propos de la liberté religieuse. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur de l'univers, le maître de toutes choses, celui qui détient toute la création dans sa main, et dont l'ordre est et qui détient la création et l'ordre et le commandement, que ses noms soient bénis et son pouvoir soit élevé et exalté, et que ses attributs soient également élevés et exaltés. Allah nous a, ce créateur, ce maître de l'univers nous a ordonné dans son livre de combattre les gens du livre jusqu'à ce qu'ils puissent, jusqu'à ce qu'ils payent la jizya, hein, et qu'ils la donnent de leurs mains propres alors qu'ils se sont humiliés eux-mêmes. Ça, c'est l'ordre qui est donné par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et ce verset, c'est le verset qui ordonne, ça, c'est le verset 26 dans Surah Tawbah. D'accord? Ça, c'est un verset, il est clair dans le Coran. Et personne ne peut le nier ou le remettre en question. Allah subhanahu wa ta'ala, non, c'est pas 26, c'est 20. Attendez, qu'est-ce que c'est le verset? Oui, c'est ça. Le verset 29, pardon. Le verset 29 dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, dans Surah Tawbah, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation, la jizya, par leurs propres mains après s'être humiliés. La capitation, c'est une somme d'argent qu'on exige aux non-musulmans qui vivent dans un pays musulman et qui refusent d'accepter l'islam, qui décident de rester dans leur fausse religion, mais ceux-là, ils doivent payer cette jizya. Hein, donc, ça, c'est un verset qui est clair et qui est vrai. Hein, et c'est pas la compréhension de ces chrétiens-là qui essaient de mettre ces versets-là dans leur site pour faire peur aux autres chrétiens. Hein. Ils mettent ces versets-là dans leur site. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, regardez, les musulmans, leur religion incite à tuer et à combattre les chrétiens. Et donc, qu'est-ce que les terroristes sont en train de faire dans les pays chrétiens ou dans les pays non-musulmans? Et les pays musulmans, ça, c'est la preuve que c'est justifié par leurs livres, ainsi de suite. Et bien entendu, ça n'a rien à voir avec la vérité. Et tout ça, ce qu'ils disent, c'est faux. Ce verset-là, il est clair. Et quand l'ordre est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala pour combattre, il y a les gens qui ne croient pas en Allah et qui n'interdisent pas ce que Allah a interdit et qui ne pratiquent pas la religion de vérité parmi les gens du livre. Déjà, ça, c'est la preuve que les gens du livre ne pratiquent pas une religion de vérité, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wala yadinuna din al-haq min alladhina utul kitab. C'est-à-dire, parmi les gens du livre, ils ne suivent pas la religion de vérité, hein, jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya et qu'ils se soient humiliés eux-mêmes. Ça, c'est un ordre pour les dirigeants des musulmans, hein, de combattre les non-musulmans et de leur déclarer la guerre ouvertement et officiellement lorsqu'ils ont la capacité de le faire et qu'ils sont capables de faire le djihad. Bien entendu, s'ils ne sont pas, si on n'est pas capable de le faire, ou si on a une entente de paix, hein, avec les koufars, dans certains cas, dans ce cas-là, on ne peut pas l'appliquer, ce verset-là, et on ne l'applique pas. Ce n'est pas à des petits groupuscules islamistes, terroristes, de commencer à essayer d'interpréter ces versets-là pour dire on a le droit de faire une guérilla, on a le droit de faire ci, on a le droit de faire ça, on a le droit de faire des attentats à la bombe, des terroristes et tout ça. Non, ce verset-là ne justifie pas le terrorisme. Donc, contrairement à ce que ces chrétiens-là qui veulent déformer la réalité prétendent, et contrairement à ce que les khawarij prétendent, et contrairement à ce que les Ikhwan prétendent lorsqu'ils nient ce genre de verset-là, ou bien qu'ils les cachent. Hein? Donc ça, c'est très important de comprendre. Donc qu'est-ce que ce verset-là, il nous dit donc que les chrétiens, si on a, par exemple, à combattre les chrétiens lorsqu'on est on a la capacité, comme les Sahaba l'ont fait à l'époque, quand les Sahaba sont arrivés pour déclarer le djihad aux chrétiens, ils les ont appelés à trois choses. Premièrement, à l'islam. S'ils n'acceptaient pas, ils pouvaient rester chrétiens, mais ils devaient payer la jizya. Et une fois qu'ils ont accepté de payer la jizya, par la suite, ils doivent respecter des conditions. Et s'ils respectent ces conditions-là, dans ce cas-là, on n'a plus le droit de les combattre. D'accord? Ça, c'est clair. Et voyons maintenant qu'est-ce que le cheikh a mentionné dans son tafsir au sujet de ce verset-là. Donc on va prendre le tafsir des ulama de l'islam, des savants de tafsir, des sahaba et des tabi'in et des premiers savants de l'islam, des premiers musulmans. Non pas les tafsirs de Sayyid Qutb et des autres, Qardawi et des autres qui sont venus actuellement et qui déforment la réalité de la religion. Qu'est-ce qu'ils ont dit les salafs et les ulama là-dessus? An yadin, qu'ils donnent la jizya de leur propre main. An yadin, qu'est-ce que ça veut dire? يدفعها بنفسه غير مستنيب فيها أحدا. Il la donne lui-même. Il n'envoie pas quelqu'un à sa place pour la donner. Ça c'est qu'est-ce que Ibn Abbas a dit. C'est mentionné dans le tafsir al-Qurtubi. Ensuite, Abu al-Bukhtal, An Salman. Salman il a dit mazmoumin, c'est-à-dire ils sont blâmés, hein, humiliés, blâmés. Muhammad an Qatada. Qatada, il a dit an Qahr, c'est-à-dire ils sont forcés de la donner. Wa qala fi safhat, à la page 113 dans le tafsir, il dit lorsque les chrétiens donnent la jizya, ils donnent leur jizya, on doit les laisser, c'est-à-dire on n'a plus le droit de les combattre. Et on n'a plus le droit, on doit les laisser garder le reste de leurs biens. Tous leurs biens, qu'est-ce qu'ils veulent garder? On prend le pourcentage qu'on doit prendre comme punition pour eux. Hein, parce que cette jizya, ça a été interprété par certains comme étant une taxe que les non-musulmans doivent payer pour être dispensés de participer à la guerre et ainsi de suite. Et bien entendu, c'est une opinion qui est incorrecte. Hein, comme Ibn al-Qayyim l'a expliqué dans son livre Ahkam Ahl al-Dhimma. Il a un livre écrit spécifiquement sur les règles qui concernent les gens du livre qui font partie des Ahl al-Dhimma, c'est-à-dire ceux qui vivent dans les pays musulmans et qui sont sous la protection des musulmans. Bon, ceux-là, une fois qu'ils ont donné la jizya, cette jizya-là, c'est pas pour parce qu'ils sont exclus de participer au djihad avec les musulmans. Cette taxe-là, c'est une punition que Allah leur donne pour les rabaisser en fait. Et c'est pour ça le cheikh il dit une fois qu'ils ont donné cette jizya, on prend cette partie-là, mais on n'a plus le droit de toucher au reste de leurs biens, qu'est-ce qu'ils possèdent comme richesse ou autre. Tant qu'ils cachent leur alcool, hein, ils ne doivent pas exposer leur alcool. Et ils ne doivent pas non plus exposer la vente de l'alcool aux musulmans. Et ils doivent aussi également être interdits de montrer l'alcool et le porc. Et s'ils montrent quoi que ce soit de ça, de ces choses-là, c'est-à-dire s'ils exposent quoi que ce soit de l'alcool ou du porc ou d'autres choses de ce genre, l'alcool qu'ils exposent doit être jeté par terre, hein, doit être renversé et on doit le vider par terre, c'est-à-dire, et ils doivent être punis pour avoir montré le porc. Donc ça c'est pour montrer que ils sont pas libres de faire tout et de pratiquer leur religion comme ils veulent dans le christianisme. Si dans leur religion certaines choses sont permises, ils peuvent pas venir l'exposer et le mettre au plein jour, en plein devant le nez des musulmans. Ça c'est très important de comprendre. Le cheikh il dit qultu, fadalla dhalika annahum laysu ahraran walakinnahum multazimuna bishurut almuslimin alayhim allati ishtarataha alayhim Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. كما سيأتي نقله فإن تحكموا إلينا في شيء مما يوجب الحدود حكم عليهم بالحد الذي في شريعة الإسلام وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا وقال في رواية اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه. فتبين من هذه الإشارة أن قوله ويترك أهلها حرية الاعتقاد قول باطل لا دليل عليه. وفي الصحيح أيضا أن معاذ بن جبل قدم على أبي موسى الأشعري فوجد عنده رجلا مربوطا أو قال موثقا، فقال معاذ ما شأنه؟ قال أبو موسى الأشعري هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه السوء. فقال معاذ بن جبل والله لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فتبين بأنه إذا دخل في الإسلام ثم تركه ارتد إلى دينه الأول فإنه يقتل ولا تقبل منه جزية ولا غيرها ولو افتدى بجميع ماله، وهذا يتنافع مع الحرية التي زعمها السباعي. ولست أريد التقصي في بحث هذا الموضوع، وإنما أردت بيان بطلان ما ذهب إليه الإخوان المسلمون في حكم الأقباط، وأنهم لم يرجعوا في أقوالهم هذه إلى كتاب ولا سنة، وإنما قلد بعضهم بعضا في هذه التجاوزات، ولا خير يزيد على الأول، حتى حكم بعضهم لليهود والنصارى بدخول الجنة. Donc le cheikh il dit ça c'est la preuve qu'ils ne sont pas libres, hein, qu'ils n'ont pas cette liberté prétendue, mais ils doivent se limiter et respecter les conditions que les musulmans ont établies sur eux et que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a établi sur eux, comme nous allons le voir dans ce qui suit. Hein? Et justement, à propos des conditions de Omar ibn al-Khattab, il y a l'ijma des sahaba à ce sujet-là, de ces conditions-là. Il y a l'ijma, c'est-à-dire il y a un consensus des salafs à ce sujet-là. Hein? Et on va lire plus tard les conditions, parmi ces conditions-là, c'était quoi ces conditions-là. Et donc, il faut que ces chrétiens, ces juifs et respectent ces conditions. Et s'ils viennent voir les musulmans pour demander de juger entre eux, dans leurs règles, quand ils ont un problème, et que parmi ces disputes qu'ils ont entre eux, ça implique qu'il y a une peine qui doit être appliquée, dans ce cas-là, nous allons juger entre eux et appliquer sur eux les peines de la charia telles que c'est prescrit dans le Coran. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Fahkum baynahum bima anzal Allah » Jugez entre eux d'après ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Donc, et comme ça a été expliqué dans Surat Al-Ma'idah, tout ça c'est clarifié là-dedans. Et dans Al-Bukhari et Muslim, il y a le hadith qui mentionne que il y a deux juifs qui ont été amenés au prophète sallallahu alayhi wa sallam par les juifs, et ils avaient fait l'adultère. Les deux avaient fait l'adultère. Et dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh Allah, je suis le premier qui fait revivre ton commandement lorsqu'ils l'ont fait mourir. Hein? » Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait appliquer la peine de la lapidation sur eux à cause de ça. Hein? Et donc, ça c'est la preuve. Hein? Ça montre que il n'y a pas cette liberté là dans la religion des chrétiens. Après le cheikh dit donc فتبين من هذه الإشارة أن قوله يترك لأهله حرية العقيدة. Donc ça c'est la preuve que cette idée qu'ils sont libres dans leur croyance c'est faux et qu'il n'y a pas de preuve à ce sujet là. Hein? Et c'est rapporté également dans le Sahih أيضاً que Mu'adh ibn Jabal il est venu voir Abu Musa al-Ash'ari et il a trouvé qu'il y avait à côté de lui un homme attaché. Et donc Mu'adh ibn Jabal a demandé à Abu Musa al-Ash'ari pourquoi cet homme est attaché, qu'est-ce qu'il a fait. Et Abu Musa al-Ash'ari il a dit c'était un homme qui était juif, puis il s'est converti à l'islam, puis il est retourné à sa mauvaise religion. Alors Mu'adh ibn Jabal a dit wallahi je ne vais pas descendre jusqu'à ce qu'il soit tué. C'est le décret d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari dans le livre le fait de demander aux apostats de revenir à l'islam, de faire tawbah, de se repentir. Donc ça c'est mentionné dans Al-Bukhari, c'est un hadith authentique. Il y en a plein de hadiths authentiques à ce sujet là et ça c'est en même temps une réfutation de Tariq Ramadan qui, quand il qui nie, qui fait partie de ceux qui nient l'apostasie, la peine de l'apostasie dans l'islam, et qui prétend que c'est contraire à la liberté de conscience, et qui prétend que l'islam interdit la contrainte dans la religion, et que d'appliquer la peine contre les apostats, c'est une contrainte. Est-ce que vous pensez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait se contredire dans les enseignements qu'il amène à l'humanité, dans le sens que il nous amène le Coran, et Allah lui a révélé le Coran, et dans ce Coran c'est écrit que il n'y a pas de contrainte en religion, puis par la suite il applique la peine pour les apostats, et après des gens viennent aujourd'hui puis ils disent non, ça s'applique pas parce que subhanallah c'est contraire à l'islam nous interdit la contrainte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a appliqué la peine, il a fait appliquer la peine sur les apostats, et quand les sahabas ont fait appliquer la peine contre les apostats, il ne contredisait pas le verset qui dit qu'il n'y a pas de contrainte en islam, ou la ikraha fid din, bien au contraire, parce que le fait d'appliquer la peine de l'apostasie sur les apostats, ça n'a rien à voir avec la contrainte, ça a rapport avec la protection de la croyance islamique et la défense de la vérité, hein. Et le djihad, c'est la même chose. Donc de prétendre que c'est en contradiction avec la ikraha fid din, hein, c'est de pas comprendre la réalité des principes de l'islam, et que la ikraha fid din, ça s'applique pas dans le sens que quelqu'un est dans l'islam puis il peut croire en ce qu'il veut et qu'il n'y a pas de punition ou de réprimande si la personne contredit l'islam ou fait des choses contraires à la croyance islamique. Bien entendu, ça signifie pas ça. Ça signifie la ikraha fid din, ça signifie si quelqu'un n'est pas musulman, hein, comme un chrétien ou un juif, et qu'il paie la jizya, ben ça y est, on peut plus le contraindre par la suite à accepter l'islam. Donc Tariq Ramadan est allé loin, de même que son oncle, hein, Jamal al-Banna, la même chose que son que yani Hassan al-Banna, pas Hassan al-Banna, Jamal al-Banna, c'est le frère de Hassan al-Banna, et lui aussi fait partie de ceux qui suivent ces idées nouvelles, yani qui se prétendent des réformateurs de l'islam et qui viennent nier ce qui est affirmé, confirmé dans le Coran et dans la Sunna. Donc ils nient les hadiths authentiques qui sont rapportés à ce sujet-là, et ils disent qu'il faut que l'islam soit en accord avec les déclarations universelles des droits de l'homme telles que ça a été déclaré par les Nations Unies, ainsi de suite, alors que l'islam existait bien avant des siècles, bien avant les droits de l'homme, et même que dans la Bible on retrouve ces peines-là d'apostasie et toutes ces choses-là. C'est pas quelque chose qui est nouveau, qui est venu avec l'islam. C'est quelque chose même qui a été enseigné par les prophètes qui sont venus avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'ils ont tous enseigné la même religion, c'est-à-dire l'islam. Hein? Et ils ont juste à ouvrir la Torah qu'ils ont aujourd'hui qui est falsifiée, et ils peuvent trouver encore aujourd'hui les preuves de ça, c'est encore écrit à l'intérieur. Donc, on peut voir ici que lorsque quelqu'un rentre dans l'islam, puis qu'il a compris que c'est la vérité, puis qu'il quitte l'islam et qu'il revient à sa première religion, il doit être exécuté, hein, et qu'on ne peut plus accepter de lui la jizya, même s'il voulait donner en échange tout son bien, il ne peut pas donner rien comme argent pour être protégé s'il ne revient pas à l'islam, contrairement à la liberté qui est prétendue par As-Sibai. Et le cheikh, il dit, mon but, c'était pas de rentrer dans les détails pour expliquer ou parler de ce sujet-là, mais je voulais juste clarifier la fausseté de l'opinion des Ikhwan al-Muslimoun dans leur verdict au sujet des Coptes, des chrétiens Coptes, et pour leur faire comprendre que ils ne sont pas revenus à aucune preuve du Coran et de la Sunna pour défendre les positions dans lesquelles ils sont, mais ils se sont uniquement basés sur les passions, et ils ont uniquement suivi aveuglément les uns les autres dans leurs dépassements et leurs égarements à ce sujet-là. Et يعني il dit wal akhir yazid ala al awwal hatta hakama ba'dhum lil yahud wal nasara bi dukhul fi al janna. Donc c'est ça, c'est que ils sont tous en train de se suivre les uns les autres dans leurs égarements, et celui qui suit, il rajoute de plus en il rajoute plus encore d'égarements par rapport à son précédent, celui qui l'a précédé. Donc chaque fois qu'il y en a un qui dit un égarement, il y en a un qui vient après lui pour en rajouter encore plus par-dessus, jusqu'à ce que certains d'entre eux sont arrivés jusqu'à dire maintenant que les Juifs et les chrétiens rentrent au paradis. Hein? Donc ça c'est pour vous dire à quel point, jusqu'où ils sont en train de s'en aller. Hein? Et donc, c'est des gens, comme on dit, quand ils parlent des sujets de l'islam, comme dans le Ramadan par exemple, quand ils commencent à parler d'une question et qu'ils essaient de défendre une position qui est fausse et qui est contraire à la vérité, la première chose qu'ils commencent à faire, c'est de dire quoi? Cette question, il y a une divergence d'opinion à ce sujet-là. Ça, c'est la première chose qu'ils commencent à dire. Même si ce n'est pas vrai, il invente une divergence d'opinion. Ou bien il va sortir avec une divergence d'opinion qui sort des sectes égarées, comme soit des chiites, ou soit des Mu'tazila ou des autres sectes. Et ils considèrent que le fait que eux, ces gens de Bid'a, ont divergé et dévié, que ça c'est une divergence d'opinion entre les savants. Donc ils considèrent les savants des gens de Bid'a comme étant une référence parfois. Et donc c'est pour ça que lorsque vous entendez ces gens-là qui vous disent il y a une divergence d'opinion entre les savants, demandez-leur qui sont ces savants. Et lorsqu'ils vous ramènent des citations, comme il y en a, comme justement dans le Ramadan, quand il parlait de ce sujet-là, il mentionne une parole de Sufyan al-Thawri, soi-disant, pour essayer de justifier que non, il y a divergence entre les savants, et il y a Sufyan al-Thawri qui fait partie des salafs qui disait que oui, on ne peut pas forcer quelqu'un, on ne peut pas appliquer la peine de l'apostasie, ainsi de suite. Et demandez-lui, ramenez-nous cette parole de Sufyan al-Thawri avec l'isnad, avec une isnad authentique, une chaîne de rapporteurs authentiques, et dans quel livre vous l'avez pris. Et supposons que Sufyan al-Thawri, l'imam, le grand imam parmi l'imam des salafs, s'il avait dit vraiment cette parole, est-ce que c'est une preuve? Est-ce qu'on peut prendre la parole d'un des imams de l'islam comme Sufyan al-Thawri comme une preuve et laisser de côté les preuves claires du Coran et de la Sunna? Bien sûr que non, on ne peut pas faire ça. Hein? Il est même allé jusqu'à déclarer un hadith authentique dans Sahih al-Bukhari. Il a dit qu'il est daïf et qu'il y a des doutes à propos de son authenticité. Subhanallah. C'est à quel point ils sont sans limite dans leur affront contre la charia et contre le Coran et la Sunna. Donc, nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Hein? Inch'Allah. Parce que qu'est-ce qui suit là? En fait, non, on peut lire. On peut lire ce dernier passage. Et puis, on lit ce dernier passage et puis on s'arrête, Inch'Allah. Cheikh dit, Tajawuzat al-Ikhwan ta'atilun lish-Sharia. Les dépassements des Ikhwan représentent un abandonnement de la Sharia. Cheikh dit, Laqad kataba li Sheikhun. من بلد عربي مجاور وهو من أصحاب الغيرة على الإسلام والاستقامة عليه وكذلك أحسبه والله حسيبه جميعا والله حسيبنا جميعا. قال ظهر على التلفزيون الأمريكي أحد كبار زعماء من يسمون باتحاد الطلبة المسلمين بالولاية المتحدة الأمريكية في لقاء مع مذيع يهودي. سأل اليهودي الزعيم المسلم عن اعتقاد المسلمين بأن المسلم وحده هو الذي يدخل الجنة وهو المؤمن، أما غيرهم من اليهود والنصارى فهم كفار لا يدخلون الجنة. فأجاب الزعيم يغضب قائلا هذا جهل ولا يقوله إلا الجهال. الله المستعان. هذا جهل ولا يقوله إلا الجهال. وثم قال نحن نعتقد أن اليهود والنصارى والنصراني وكل من يسير على دين ويستقيم عليه مؤمن ويدخل الجنة. قلت يا لها من فرية ما أعظمها. وقد قال أهل العلم من لم يكفر الكفار فهو كافر. ومما كتب به إلي ذلك الشيخ الغيور حفظه الله ووفقه وهو يعمل مدرسا في دولته. Donc regardez ce qu'il dit le cheikh. Il dit, il y a un des chouyours d'un autre pays arabe qui est un pays avoisinant. Et il fait partie des musulmans qui ont un sens de l'honneur et de la jalousie pour l'islam, qui ont une ghayra pour l'islam et qui aiment rester droit. Et il dit, je le considère ainsi. Et Allah, c'est lui qui va le juger, qui va tous nous juger, bien entendu. C'est lui qui sait la réalité à notre sujet, mais d'après ce qu'il sait, d'après ce qu'on voit, c'est ce que je pense de lui. Il dit qu'il y a une des grosses têtes des Ikhwan, parce que c'est le mouvement des étudiants américains aux États-Unis, Al-Ittihad Al-Talaba Al-Muslimin, MSA, comme on appelle. Les MSA, c'est Muslim Student Association, et c'est une organisation, bien entendu, qui est reliée avec le groupe des Ikhwan. Donc, il dit qu'il y en a un de ces responsables-là qui est apparu à la télévision américaine dans une émission avec un juif, un animateur juif. Le juif lui a demandé aux musulmans, ou à ce musulman-là, au sujet de la croyance des musulmans, est-ce que c'est vrai que le musulman, il croit que c'est lui seulement que c'est seulement les musulmans qui rentrent au paradis, et que c'est lui seulement qui est le croyant, et que les autres, les juifs et les chrétiens, sont tous des koufars et ils ne vont pas rentrer au paradis? Et le responsable de ce groupe de MSC, il a répondu en se mettant en colère, et il a dit, non, ça c'est de l'ignorance, et c'est uniquement les ignorants qui disent ça. Nous, les musulmans, nous croyons que les juifs et les chrétiens, et tous ceux qui suivent une religion, et qui la suivent correctement, d'une façon droite, qu'il est croyant et qu'il entre au paradis. Donc le cheikh, il dit, quel grand mensonge, quel grand mensonge. Donc aujourd'hui, c'est ça ce qu'ils sont en train d'essayer de faire croire aux gens, que si tu dis à propos des juifs et des chrétiens qu'ils sont en enfer, ça c'est quelque chose qu'il faut pas dire. Et une fois même, je me souviens, il y a plusieurs années, quand les étudiants de l'Université de Montréal ici, ils m'avaient invité pour parler, par exemple, pour me demander comment, par exemple, j'étais converti à l'islam. Ils m'ont demandé de faire une conférence à ce sujet-là. Et quand j'étais parti pour expliquer ça, au lieu de faire ça, j'ai commencé à faire une da'wa aux chrétiens en même temps. J'en ai profité, Yannick, pour faire une da'wa aux chrétiens directement. Et en fait, j'ai dit que toute personne qui meurt sans accepter l'islam, il sera en enfer. Alors ça les a vraiment mis dans l'embarras, Yannick, les Ikhwan, et ils ont vraiment pas aimé ça. Et ils m'ont critiqué justement après que j'ai terminé de faire ma présentation. Ils m'ont grandement critiqué pour avoir dit une chose pareille, et ça les a choqués. Parce que pour eux, ils disent que si tu dis que les gens qui sont pas musulmans vont à l'enfer, ça va les faire fuir, ils vont pas vouloir devenir musulmans. Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la da'wa aux chrétiens et aux juifs et aux mouchriquins, il leur disait aslimu taslimu tuslimu. Aslimu taslimu, yani aslim taslim. Convertis-toi en islam et tu vas être épargné et tu vas être sauvé. Et il leur disait, yani qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah et vous allez avoir le succès. Et il leur expliquait que s'ils n'acceptaient pas de dire la ilaha illallah et de croire en l'islam, ils allaient être en enfer. Donc c'est parce qu'aujourd'hui, c'est la religion, comment elle est prêchée par les chrétiens, c'est de faire plaisir à tout le monde, de les flatter dans le sens du poil, comme on dit, de les caresser dans le sens du poil pour, soi-disant, les faire leur faire plaisir, pour soi-disant les rapprocher, puis par la suite, après, là tu commences à leur parler des choses religieuses. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas besoin de passer comme ça, tourner en rond, hein, il ne nous a pas enseigné de mentir pour faire plaisir aux gens. Bien entendu, il faut leur expliquer la réalité, et comme ça la personne, la preuve est établie contre lui. Que s'il sait, par la suite il sait que s'il meurt dans son état, et qu'il meurt mécréant, il sera en enfer. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas leur expliquer, tu leur expliques en même temps les détails. Mais les koufareux aujourd'hui, ils ont classé ça parmi les formes, parmi les choses qui font partie de terrorisme. Ils ont dit, ah ben ça c'est des extrémistes, fanatiques, terroristes, ils disent que ceux qui ne sont pas dans leur religion, ils ne vont pas au paradis. Donc ces musulmans-là, qui justement ont un complexe, et qui ne comprennent pas la réalité de la aqida, ils disent, bah, on ne veut pas se faire taxer de terroristes, hein? Alors on va dire que ce sont tous des croyants, depuis qu'ils croient en quelque chose, ce sont des croyants, et qu'ils vont rentrer au paradis. A'oudou billah. Bien sûr, ils sont croyants, mais leur croyance, c'est une croyance de kufr, une croyance de shirk, une croyance dans le mensonge. Donc, celui qui croit au mensonge, eh bien, c'est pas un croyant selon la charia. C'est un kafir, on l'appelle. Hein? Et donc, il ne faut pas hésiter de le dire et de croire en la vérité, et de dire les choses telles qu'elles sont. Et comme c'est un grand, le cheikh il dit, comme c'est un grand mensonge, alors que les savants de l'islam ont dit, quiconque refuse de dire du kafir qu'il est kafir, alors lui-même il est kafir. Donc si quelqu'un, il voit les juifs, il voit les chrétiens, il voit les mouchriquines, les animistes et les autres koufars, il les voit puis il dit, non ce ne sont pas des koufars ou bien ils sont croyants, eh bien, il est lui-même kafir. Hein? Ça c'est comme ça a été expliqué dans l'explication de Nawaqid de l'islam qu'on a donnée. Avec l'explication du cheikh Fawzan, on a expliqué ce point-là en détail. Donc le cheikh dit wa mimma kataba bihi ilayya dhalika al-cheikh al-ghayur hafizahullah wa waffaqahu wa huwa ya'malu mudarrisan fi dawlatihi qala alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Fa fi 'am 1407 دعينا إلى مؤتمر للإخوان المسلمين في بلدة توباغو بأمريكا الوسطى، وكان منظم المؤتمر جمعية إفسو. Donc IFSO, c'est ça l'association. C'est relié avec l'association, l'organisation IFSO. Et le cheikh dit وهي فرع من اتحاد الطلبة المسلمين بالولايات المتحدة وكندا. Qu'est-ce qu'on appelle ISNA, ISNA, ou c'est ça. Donc وبطلب من من منسق او منسق برنامج المؤتمر. نعم. بدأ الضيوف بتقديم كلماتهم وكان أول من تكلم وزير من البلدة التي استضافت المؤتمر وكان هذا الوزير قسيسا وكان وكان مضمون كلمة الوزير بعد ثناء موجز على منظم المؤتمر كلاما حول التثليث عند النصارى وكان يشرح بانبساط وافتخار معنى التثليث أمام الجمهور. من عامة المسلمين هناك، وتضمنت كلمته الحث على الأخوة بين أهل الأديان والعمل لأجل محاربة الفساد كما زعم. وعندما انتهى القسيس تقدم منسق المؤتمر سين سين وأثنى على كلمة القسيس وقال إن القسيس بكلمة المختصرة بين روح الإسلام ولم يحد عنه ولو قليلا. ولما انتهت الكلمة أو كلمات الضيوف طلب مني المنسق أن أدعو بدعاء أختم به ولم أقبل إلا لأجل التنبيه على كلمة القسيس ثناء المنسق عليها. ولكن ما إن بدأت أتكلم عن بطلان ما قاله القسيس حتى جاءتني الورقة تلوي الأخرى من المنسق يدعوني إلى أن لأن أقطع كلامي فورا وأدعو، ولم أعبأ به ولله الحمد، وأنهيت كلامي ودعوت دعاء مقتضبا ثم جلست. Donc, subhanallah, ça c'est grave cette histoire. Il dit en l'an 1407, en fait, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit qu'il y a un des shuyukh qu'il considère comme étant un cheikh qui a une jalousie puis un honneur pour l'islam. Il était professeur dans son pays. Il a écrit au cheikh Ahmed al-Najmi une lettre. Et dans cette lettre, il lui dit Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Il dit, en 1407, j'étais professeur, on m'a invité à un colloque, hein, un séminaire organisé par les frères musulmans, les Ikhwan al-Muslimoun, au Tobago. Et le Tobago, c'est une des îles, hein, Trinidad et Tobago, c'est des îles juste au sud, non, au nord de l'Amérique du Sud. Et c'était un séminaire organisé par IFSO. Et c'est une branche d'organisation, comment on dit, Ittihad al-Talaba al-Muslimin. C'est ISNA, ça s'appelle, je pense. C'est-à-dire le regroupement des étudiants, ou bien c'est WAMI. En tout cas, une de ces organisations-là, je ne sais pas, là, c'est pas WAMI, non, c'est une autre. Le rassemblement des étudiants musulmans des États-Unis et du Canada. Donc, je ne sais pas le nom en français là, ou en anglais, mais bon. Et l'organisateur, celui qui s'occupait de le modérateur, comme on dit, celui qui s'occupait du programme, il a laissé parler les invités. Et celui qui a commencé à parler, c'était le maire ou le ministre de ce pays-là, et il était lui aussi un prêtre, hein, ce ministre. Alors parmi les choses qu'il a dit dans son discours, il a commencé à faire des éloges aux organisateurs de ce colloque et de ce séminaire, et puis il a commencé à parler autour de la Trinité chez les chrétiens. Il commençait à expliquer en souriant, puis il était tout fier, hein, d'expliquer la signification de la Trinité devant tous les musulmans qui étaient là-bas. Et parmi les paroles, qui l'a dit dans son discours, ce prêtre, c'est qu'il incitait les gens à la fraternité entre les religions et de travailler pour combattre la corruption, hein, comme ils prétendent aujourd'hui, qu'il faut s'unir pour combattre l'injustice, ainsi de suite, peu importe la mécréance. Et donc, le modérateur de la conférence, il a donné ses abréviations, SIN-SIN, il a pris la parole par la suite et il a commencé à faire des éloges au sujet du discours de ce prêtre, et il a dit à propos de son discours que tout ce que le prêtre a dit en résumé, ça exprimait l'esprit de l'islam. Et il n'allait pas, et que l'islam ne s'en détournait pas du tout, même dans les petits détails de ce qu'il avait dit. Yani, donc, il a laissé, il a fait des éloges au prêtre et il a parlé en bien de son discours, et il n'a même pas mentionné les fautes et les erreurs qui étaient présentes dans son discours. Le cheikh, il clarifie et il dit que lorsque, tout de suite après la parole que les invités aient fini de parler, le modérateur de la conférence ou du colloque m'a demandé de venir pour faire un doua, pour venir terminer ou fermer ou clore la conférence. Et il dit, je n'ai accepté que parce que je voulais faire un commentaire au sujet de la parole du prêtre et de la glorification ou de l'éloge que le modérateur avait fait au sujet de cette, la parole du prêtre ou du discours du prêtre. Donc il dit, je suis allé prendre le micro, parce qu'ils font souvent ça, ils te demandent d'aller pour aller faire un doigt à la fin, hein. Et là il est allé, il a pris le micro et il a commencé, il dit, comme si avant de faire son doigt, il a commencé à dire yani, qu'est-ce que le prêtre a dit, ça c'est faux, la Trinité c'est pas vrai, on n'accepte pas ça nous les musulmans dans l'islam, et ainsi de suite. Et là il dit, juste au moment où je commençais à parler, les feuilles commençaient à... On m'envoyait des petits papiers, là. On commençait à m'envoyer des petits papiers. Et puis, sur les petits papiers, c'est écrit « Arrête de parler de ces choses-là. Fais ton doua tout de suite. Hein? » Et donc, et ils n'arrêtent pas de lui faire passer des petits papiers, là, parce que, bien entendu, ils ne peuvent pas se lever puis aller le retirer du micro, hein, parce que ça paraîtrait mal. Et surtout pour des gens qui prétendent qu'il y a une liberté de croyance, hein, d'aller prendre le cheikh et de l'arracher du micro, là, ça n'aurait pas paru bien. Alors, il lui envoie des petits papiers discrètement, là, pour lui dire, écoute, c'est assez, arrête de parler, puis fais ton doigt, puis c'est fini. Alors, le cheikh, il a dit, j'ai pas cessé de parler, j'ai continué, et j'ai expliqué jusqu'au bout, hein, qu'est-ce qu'il a dit de le prêtre, qu'est-ce qu'il avait dit de mensonge, et j'ai clarifié qu'est-ce qui devait être clarifié, et puis j'ai fait un doua par la suite, et puis je me suis assis. Donc ça c'est pour montrer l'attitude des Ikhwan, qui est une attitude d'hypocrisie et de mensonge face aux chrétiens et face aux kuffars en général, et de leur faire de leur dire qu'on accepte leur croyance ou qu'on n'a rien contre leur mécréance, et ça c'est leur attitude. Et bien entendu, c'est pas l'attitude de celui qui veut amener les gens à l'islam. Eux, ils pensent qu'en agissant comme ça, ils montrent une bonne image de l'islam et qu'ils amènent les gens à l'islam. Au contraire, s'ils montrent cette image-là aux koufars, c'est là que les koufars vont dire, ah ben ces gens-là, ils sont des faibles d'esprit, on est capable de les amener facilement à l'égarement. C'est ça leur idée quand ils voient les musulmans agir comme ça. Puis, pour terminer, le cheikh dit, « واتحاد الطلبة المسلمين افتتح مؤتمرة العام بمدينة إنديانابوليس في العام الذي قبله بكلمة مرشح الرئاسة الأمريكية القس جيسي جاكسون. وهذان مثلا فقط وإلا فالأمر صار سياسة جديدة لهم في الغرب هدانا الله وإياهم سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc ça c'est la fin de la lettre. Il dit, et les le regroupement des étudiants musulmans, ils ont ouvert, ils ont fait l'ouverture de leur convention dans la ville d'Indianapolis, et ils ont invité le candidat aux élections américaines, le prêtre Jesse Jackson, pour venir s'adresser aux gens. Donc c'est pour dire, le cheikh qui a écrit cette lettre au cheikh Ahmed al-Najmi, il dit que voilà deux exemples seulement qui montrent que leur attitude est devenue une nouvelle politique pour eux, et en particulier en Occident, en Europe et en Amérique et au Canada, et que Allah nous guide, et les guide au droit chemin, et que la paix et le salut soient sur notre noble prophète, et sur ses fidèles et sur ses compagnons. Ça a été écrit par Ain Mim Fa, les abréviations. Et puis c'était écrit en 1417, le 10e mois, le 13e jour. Donc ça c'est pour montrer l'attitude de ces gens-là. Et ici au Canada c'est la même chose chez les groupes des Ikhwan. Ils invitent les ministres, ils invitent les députés, ils font des colloques, ils font des conférences, ils font ils organisent des soupers et des dîners, comment, de levée de fonds ou des trucs de ce genre. Et puis ils font des fêtes comme ça entre eux, et ils invitent toujours les koufars pour venir faire des allocutions, pour parler, ainsi de suite. Et là, c'est pire parce qu'ils invitent parfois même des prêtres, hein. Et dernièrement, ici au Canada, ils ont fait quelque chose, il faut que je vous dise ça quand même, parce que c'est relié avec la question. Le dialogue interreligieux qu'ils ont organisé ici à Montréal. Et je vais vous lire qu'est-ce qu'ils ont dit dans ce truc, si ça peut s'ouvrir. Voilà. Dialogue interreligieux autour d'une parole commune. Hein? Écrit en haut, en gros caractère, et après c'est écrit amour. Hein? Amour en rose. Et tout de suite après, c'est écrit le 14 septembre, description par deux conférenciers musulmans et chrétiens du texte « Une parole commune entre nous et vous » et historique du contexte entourant l'envoi en octobre 2007 de la lettre ouverte par 138 érudits musulmans à 40 responsables chrétiens. 19 octobre 2008, Islam et christianisme, le docteur Karim Ben Idriss, musulman, docteur Mohamed Aziz Shreibi, musulman, bien connu, il marque docteur, donc tu t'imagines, docteur en islam, mais non, docteur en chimie ou en je sais pas quoi. Donc, Allah musta'an. Ensuite, père Bertrand Tremblay, prêtre catholique, ça c'est un prêtre qui participe toujours à ces soi-disant dialogues. Et Madame Mia Anderson, prêtre anglicane. Ils ont des femmes prêtres maintenant. Le 9 novembre 2008, judaïsme. Le 14 décembre 2008, spiritualité autochtone. Le 11 janvier 2009, sikhisme, hein, la religion des sikhs. Le 8 février 2009, hindouisme. Et le 8 mars 2009, bouddhisme. Et le 5 avril 2009, synthèse et consultation sur la planification des activités de dialogue 2009 et 2010. Et ça, c'était organisé où? À l'Université de Montréal. Et ensuite, en dessous, c'est écrit le mot amour en plein de différentes langues. Hein, ils ont même écrit en égyptien, en hiéroglyphe, et puis en arabe, hub. Et en anglais, love. Et il y en a dans d'autres langues bizarres, indescriptibles, on peut pas les lire. Et ils ont une organisation, hein, ces gens-là, ils ont une organisation qui s'appelle Religion pour la paix. Et c'est fait en collaboration avec la chaire du Canada Islam, pluralisme et globalisation. Et c'est fait aussi en collaboration avec Centre de paix Montréal. Donc ça, c'est leur attitude et leur comportement, ils font toujours ça. Ils continuent à le faire encore jusqu'à aujourd'hui. Et bien entendu, c'est une trahison qu'ils font contre la réalité du message de l'islam. Donc nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et puis, on continuera ça, Inch'Allah, la semaine prochaine. Une des raisons pourquoi j'ai voulu faire ce livre-là en particulier, c'est justement parce que le cheikh, il parle de ces sujets-là et il clarifie toutes ces choses-là qui sont tellement ambiguës aujourd'hui à cause de l'ignorance et de l'égarement de ces gens de Ikhwan al-Muflisin qui sont en train de corrompre la croyance des musulmans dans le monde entier et qui travaillent justement à l'égarement et à l'ignorance des musulmans. Donc, j'ai voulu justement faire ce livre-là pour clarifier ça. Parce qu'il y en a qui veulent rentrer dans le politiquement correct, puis faire plaisir aux koufars, puis mentir au sujet d'Allah et de sa religion, comme si de déplaire aux créatures, c'était plus grave que de déplaire aux créateurs, et qui ont plus peur des koufars que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah nous en protège et nous garde contre l'égarement de ces gens-là et de ceux qui les suivent. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi.